demoiselle gratte, gratte. Consciencieusement son papier. Moi dans mon coin, je mate, mate. Le plus beau fruit de mes pensées. Autour de nous, les tic et tac. Des vieilles machines à taper. Pendant que mes yeux s'astigmatent sur des vertus bien trop cachées. Gratte, gratte, avec un peu moins d'intérêt. Sa peau rougit et je m'épate. La partie est déjà gagnée. Elle entame la contre-attaque à coups de démarche ondulée. La voilà qui me traque, traque. Je suis petit dans mes souliers. Tandis qu'elle rentre.